Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux, une présentation de votre magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Pour vos différents achats estivaux, c'est Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini qu'il faut visiter. Que ce soit pour vos articles de sport, de piscine ou de barbecue, Canadian Tire offre une vaste gamme de prix qui répond à vos besoins. Surveillez de près la sortie de notre circulaire. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Tout notre personnel vous invite à magasiner en ligne au canadiantire.ca et vous souhaite une belle saison estivale. Belle nouvelle pour Marie Besson de Dolbeau-Mistassini. Elle veut participer aux Jeux panaméricains qui seront présentés au mois d'août prochain. Marie Besson qui ira dans la catégorie des moins de 52 kilos. Le Judo Canada qui a décidé d'y aller avec plus de jeunesse cette année au lieu de l'expérience, donc ce qui fait en sorte que ça ouvre les portes à Marie Besson. Maintenant, on va parler du côté maintenant que les régates de Saint-Félicien ne sont pas en danger. On sait que cette année, c'est une année très, très difficile en raison des forts vents. Il n'y a pratiquement pas eu de course. En entrevue au journal L'Étoile du Lac, le président Régent Côté a mentionné que ce ne sera pas la meilleure année pour les régates. Par contre, ça devrait quand même pas remettre en danger les régates pour les prochaines années. Le changement de date ne serait pas une solution pour Régent Côté. On va tenter de lui parler la semaine prochaine pour parler un peu de cette nouvelle cette année et également de la mort d'un pilote qu'on a vu à Saint-Félicien au cours des dernières années, le pilote qui est décédé lors d'un événement sportif qui a eu lieu aux États-Unis. Dès hockey, maintenant, il y avait un match hier à Saint-Prime hier. Et c'était une victoire des Mighty Ducks 10-3 sur la formation des Redmen. Pour les Mighty Ducks, notons que 2 buts 4 passes pour Mathieu Lapierre, 2 buts 1 passe pour Guillaume Turgeon, 2 buts 1 passe pour Simon Lavoie. Et Sheldon Buckner-Robertson a marqué 2 buts pour les perdants. Et je termine avec du soccer, avec des matchs hier, un match qui nous intéressait. Hier, c'était dans la catégorie U12 masculin, défaite de 1-0 du FC Jean-Dumas contre la formation U12, équipe U12. Je l'ai invité à la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec Charles Dubé-Bret des Raptors 905. On parle évidemment de ce qui s'est passé la Ligue d'été, également la belle nouvelle qu'on a eue hier, que les Raptors ont tenu un camp d'entraînement à Québec au mois d'octobre prochain. Et également, Sébastien Marceau vient nous parler de la chronique du club de golf de Dolbeau-Mistassini. Sport local et régional à danradiosport.com. On se recule.